Que ta bouche manifeste la grandeur de Dieu. Que ta bouche parle de ce que Dieu a fait et ce que Dieu est en train de faire. Ensemble avec la chorale, pendant que nous serons en train d'adorer Dieu, j'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Que tu puisses élever le nom de ce grand Dieu. Ce qu'il fait est grand et est redoutable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restaurer notre amitié.

Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous voulons passer ensemble. Nous disons merci au révérend pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir encore devant vous. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Le sous-thème sur lequel nous parlons tout ce mois, Dieu nous veut en bonne santé. Dieu nous veut en bonne santé. Dieu te veut en bonne santé, mon frère. Ma soeur, Dieu te veut en bonne santé. Quand Dieu nous regarde, il a pitié de nous. Il veut. C'est vraiment son souhait. Mais je crois que pour y arriver, il y a tout un processus. Il faudrait que nous puissions comprendre certaines choses en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, sachez-le tous. Il y a quelque chose que tout le monde, tous les hommes sur la terre, quelles que soient nos tribus, quels que soient nos moyens, quel que soit ce qui nous sommes, nous devons le savoir. Jésus-Christ, il est Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, par moments nous oublions. Non, ce que nous sommes, Église, nous venons de quelqu'un. Chaque fois que nous oublions le Seigneur, nous sommes loin de ses promesses. Il faut que chacun de nous sache, quel que soit l'endroit, Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il est mon sauveur. Jésus-Christ, il est ma consolation. Jésus-Christ, c'est lui seul qui a accepté parmi plusieurs de donner sa vie pour moi. Il n'a pas demandé à quelqu'un. La Bible me dit que pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Oh frères et sœurs, dans la vie, nous n'avons rien à nous enorgueillir. Sur cette terre, nous devons le savoir. Ça doit se connaître de tous. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est tout pour notre vie. Oh, j'ai aimé. Pierre dit, sachez-le tous. Nous devons le savoir. Si nous ne le savons pas, il est impossible pour nous de vivre la bonne santé. La Bible déclare que c'est par le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que tu as ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est guéri. L'homme que nous vous présentons, il est en bonne santé à cause de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, tant que ta guérison dépend de ton médecin, cette maladie reviendra encore. Tant que ta guérison dépend de l'hôpital que tu as choisi, dépend de tes moyens, cette maladie reviendra encore. Mais si ta guérison vient de Jésus-Christ, cette maladie ne reviendra plus jamais. Tout le monde doit savoir. On l'a présenté. Oh, frères et sœurs, il y a des guérisons que nous allons recevoir seulement et seulement si nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Cet homme que nous vous présentons en pleine santé, c'est comme ça que le révérend nous a dit. Dieu nous veut en bonne santé. Chacun de nous doit trouver la bonne santé. Un jour comme celui-ci, nous voulons la bonne santé. Cette bonne santé dépend de notre santé mentale. Oh frères et sœurs, tant que dans ton raisonnement il n'y a que les problèmes, il n'y a que la peur, frères et sœurs, quelque chose ne marche pas. On ne devrait pas réfléchir tous les jours sur ce qui ne marche pas. Non. Si cela est dans ta vie, il faut la guérison. Il y a la guérison physique. Mais ce que nous constatons dans notre corps, je souffre et je veux la guérison. Dans Marc chapitre 9, j'ai aimé ce texte. Le verset 17, la Bible dit un homme de la foule. Oh frères et sœurs, cet homme était dans la foule. Cet homme, il n'avait pas la foi en Dieu. Il n'avait pas encore donné sa vie à Christ. Il était dans la foule. Il a entendu parler de Jésus. Oh frères et sœurs, un homme de la foule. On ne dit pas un enfant de Dieu. Un homme de la foule. Mais regardons-nous, jour après jour, année après année, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais notre santé malade souffre. Notre santé mentale souffre. Notre corps souffre. Mais cet homme, il était dans la foule. Il n'était pas connu de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, ça doit nous révolter. Comment un homme de la foule, un homme qui n'a pas marché avec Christ, un homme qui n'a pas souffert avec lui, mais puisqu'il a invoqué Christ, il a été identifié par lui. Combien plus toi es bon. Il y a un problème. Oh frères et sœurs, il y a des choses que nous devons nous-mêmes harmoniser. Nous devons harmoniser. C'est comme cet enfant prodigue. Où il est, il réalise que chez moi, même les mercenaires, les travailleurs de mon père, ils vivent mieux que moi. Oh frères et sœurs, la Bible me dit, aussi longtemps que l'héritier vit comme un esclave. Oh frères et sœurs, il ne vivra rien. Un homme de la foule. Mais nous, qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. C'est nous, ces bien-aimés. C'est nous qui le servons. C'est nous qui le cherchons. Mais pourquoi nous ne sommes pas en bonne santé? Oh frères et sœurs, je prie ce soir que quelqu'un parmi nous se rappelle des promesses de Dieu. Oh frères et sœurs, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, rassure-toi, sur toi il y a des paroles, sur toi il y a des promesses. Tu ne dois pas accepter de vivre cette situation tous les jours. Non. Non, frères et sœurs. Non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Pourquoi moi je vis ces choses? Enfant de Dieu. La Bible dit, un homme de la foule. Oh, ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Il dit, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui était possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il se jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Regardez la deuxième chose. Cet enfant, il ne tombait pas partout. Mais il y avait quelques endroits. Quand il devait se retrouver là, c'est là qu'il tombait. C'est là que sa maladie revenait. Il y a des gens. Lorsqu'il voyage, il dit, ouf. Oh. Je ne suis même pas tombé malade. Mais il suffit que je rentre. Les problèmes commencent. Il y a des gens. Lorsqu'ils sont dans l'église, ils sont en bonne santé. Tout marche. Mais il suffit qu'il rentre dans sa maison. Il suffit qu'il mette ses pieds dans son travail. Les problèmes commencent. La maladie commence. Il suffit qu'il commence un projet. C'est là que les problèmes commencent. Son problème dépend des lieux. Son problème dépend des endroits. Il y a des hommes comme ça. Ils ne comprennent pas. Tout ce temps j'étais bien. Mais quand c'est la nuit, je commence à souffrir. Oh frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, la Bible me dit, je te donne en possession tout lieu que ton pied va fouler. À partir de ce soir, s'il y a des choses qui t'arrivent parce que tu as piétiné certains endroits mauvais, à partir de ce soir, tu prendras possession de ce lieu au nom de Jésus de Nazareth. Oh frères et sœurs, sur la terre, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, le diable est rusé. Je suis bien. Mais tu te la fais à la Kanyang, fief Inans. Mokulu Inans. Kumbantu Bengine. Bilebe Kunaish. Ni tu te la fais à la Paile Fasha, je ne sais pas si tu Ni tu te la fais à la Kayone Mambo et la Kukweyaki. Oh Mangaribi Aleo. Quel que soit l'endroit que tu as piétiné, qui a causé du tort, que Dieu te guérisse au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, cet enfant, ses problèmes commençaient seulement quand il se retrouve dans certains lieux. Oh, c'est pourquoi il faut prier, frères et sœurs. Dans la vie, va là où Dieu te demande d'aller. Et chaque fois que tu te retrouves dans un lieu, prie. Car tu ne connais pas celui qui t'a précédé, ce qu'il a fait avant toi. Beaucoup de gens souffrent de choses qu'ils n'ont pas préparées. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu se souvienne de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Oh, cette histoire est triste. L'histoire n'a aucune cabeça. Cet homme dit à Jésus, chaque fois que mon fils est dans cette situation, il devient tout raide. Il y a des maladies. Lorsque ça vous arrive, vous ne vivez plus comme auparavant. Je connais un ami avec qui j'ai étudié. Et voilà, t'es bien à Dawa qui fâche yot. Partout. Fâche yot. Mianini. Parce que moi, quand il y a tout, il faut les toucher. Quand vous n'avez pas la santé, c'est compliqué. C'est compliqué. Cet enfant n'allait pas bien. Tout ce qui s'est passé dans sa vie démontrer la difficulté de vivre en mauvaise santé. Il y a à se poser comme question. Est-ce qu'il pouvait étudier comme ses amis? Même s'il va à l'école, ça peut arriver en Angouka. Et ce qui est drôle, Ashita Djo et les habitants Kouya. Ashita Djo et les habitants. Yana Shtuka Katu. Tension Chakupan. Yana Shtuka Katu. Sukri Chakupan. Oh Mangaribi Aleo. Mungu akukumbuke katika jina la Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs. Dukuna dada. Ce soir. Jioni Aleo. Que Dieu ait compassion de toi. Mungu akusikilie huruma. Il dit à Christ. Anamwambia Kristo. J'ai amené mon enfant vers tes disciples. Mais n'ont pas réussi à chasser les démons. Frères et sœurs, ici il y a une leçon à comprendre. Tout disciple qui n'accomplit pas les desseins de Dieu dans sa vie a un problème particulier. Pour Dieu, tout disciple qui est disciple, c'est celui qui a accepté de suivre Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté de prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Celui-là est appelé à manifester les œuvres de Dieu. Mais aujourd'hui, Église, Nous avons à nous poser des questions. Les disciples accomplissent l'œuvre de Dieu. Jésus dit, allez, guérissez les malades, guérissez les lépreux. Aux frères et sœurs, un vrai disciple, il a la puissance de Dieu. Il a l'autorité de Dieu. Il a la possibilité de prier et de guérir. Aujourd'hui, l'église souffre. Toutes les maladies veulent toujours guérir dans les mains des pasteurs et des serviteurs. Mais les disciples, ce que vous êtes, oh frères et sœurs, ça doit nous révolter. Il y a des expériences que chacun de nous doit expérimenter avec Dieu. Dis avec moi amen. Amen. Amen. Oui frère. C'est toi ma soeur. Tu dois expérimenter cette puissance. Il y a des jours où tu vas tomber malade. Toi aussi tu prends 3 jours de jeûne. Tu pries pour ta maladie. Tu proclames la puissance de Dieu. Ces hommes, on les a amenés cet enfant. Ils n'ont pas su. Jésus a regardé les disciples et a dit, incrédule que vous êtes. Frères et sœurs, ici s'introduit la notion de la foi. Quiconque met foi en Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, il a la possibilité de manifester les œuvres de Dieu. Frère, jusqu'à quand nous allons traîner avec nos maladies? La Bible déclare, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, toka apa, ikala apa. La foi, iman, c'est parler, c'est croire, c'est confesser et croire. Même quand rien ne marche, moi je crois que Dieu m'a déjà guéri. Il y a des disciples, ils sont dans la joie d'expliquer les situations qui ne marchent pas. Ils trouvent que il attire l'attention des autres. Non, frères et sœurs, la maladie tue. Oui. Nous devons avoir la foi. Là où tu es, tu dois croire que Dieu est capable de te guérir. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Jésus dit à cet homme, amène-moi cet enfant. Il était moi là. Oh, c'est là que j'ai aimé. Frères et sœurs, il n'y a pas la bonne santé loin de Jésus. Il n'y en a pas. Tout celui qui veut être guéri doit se rapprocher de Jésus. Tout celui qui veut être guéri, tout celui qui veut être en bonne santé doit savoir se rapprocher de Jésus. Frères et sœurs, celui qui guérit, ce n'est pas l'homme. Celui qui guérit, ce n'est pas les hommes de Dieu. C'est lui qui guérit. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent que paraître bien devant les hommes, obtenir la miséricorde des hommes, C'est obtenir la miséricorde de Dieu, c'est faux. Frères et sœurs, nous devons changer. La Bible dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si nous ne savons pas nous rapprocher de Dieu comme il le faut, nous ne verrons pas la guérison. La Bible dit, on le lui amena. Jésus avait la possibilité de guérir l'homme de près comme de loin. Si quelqu'un manifeste sa foi, Jésus était capable de le faire. Mais ici, Jésus a dit, amenez-le-moi. Oh frères et sœurs, le tout n'est pas d'aller loin. Il y a des choses comme la santé. On ne peut la retrouver que dans la présence de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Oh, ce que j'ai aimé, on a amené cet enfant. Je prie ce soir, toi aussi, va devant Dieu. Va avec ta maladie. Dieu est capable de te guérir. Cet homme arrive devant Christ. Il lui dit, voici la situation de mon enfant. C'est ce qui lui arrive. Et en écoutant l'esprit du texte, on dirait que le père n'avait que cet enfant. C'est que ce père souffrait de voir son enfant dans cet état. Il est allé avec lui parce qu'il avait la foi. Oh frères et sœurs, la foi, Iman, c'est celle qui nous amène vers Dieu. La foi, Iman, ne nous demande pas de rester dans notre position. Si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, apprenons à aller vers lui. Oh, ce que j'aime, il demande à Jésus. Il lui dit, si tu peux quelque chose, viens au secours de mon enfant. Jésus lui dit, si tu crois, tout est possible. La bonne santé dépendra de votre foi. Vivre la bonne santé dépendra toujours de la foi que vous déployez en Dieu. Cet homme, il est allé avec sa situation. Et ce que j'aime, c'était un homme de la foule qui n'a rien à voir avec l'évangile. Il est parti tel qu'il est. Il a présenté sa situation. Ce jour-là, son enfant a été guéri. Frères et sœurs, si tu n'as pas mal de ta situation, si tu ne réalises pas ce que la mauvaise santé produit jour après jour dans ta vie, rien ne peut changer. Il est important dans la vie de s'arrêter et de tourner ses regards vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Ce soir, Est-ce que tu crois? La maladie Magonzwa. Les problèmes Magou. Ne trouvent solution que devant le nom de Jésus. Quand Jésus a vu cet enfant, il eut compassion. La Bible dit qu'il a chassé l'esprit impur. Il a même posé la question. Ça fait combien de temps que cette maladie trouble votre enfant? Le papa dit depuis sa naissance. Il y a des maladies. C'est depuis la naissance. C'est depuis la famille. C'est comme ça que dans Ézéchiel, la Bible dit pourquoi ce proverbe résiste-t-il? Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais il y a des maladies de génération. Iripitaka mamuntu fulani. Lewe kuna menace mulango yangu. Iriwaka mamuntu fulani. Lewe kuna menace. Dieu dit pourquoi? En d'autres termes, pourquoi tu acceptes? Oh frères et sœurs, je veux terminer pour qu'on prie. Exode chapitre 23. Exode 23, verset 25. Il verset ayone kwata isome kama taweza. Exode 23, verset 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu dit, vous, votre travail, c'est de me servir. Moi, je vais vous bénir et je vais éloigner la maladie. Sous féconde. Cet homme, c'était un homme de la foule. Il a manifesté une chose, la foi. Dans la foule, il n'y avait pas les promesses. Il a cru que Jésus pouvait guérir. Dieu l'a fait. Aujourd'hui, quel est ton problème? Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Dieu a le travail de te bénir. Raisonnement. Oh, ma somme va toto. On angouka. Pourtant, Dieu donne un secret. Accompagné d'une promesse. Le service. Tous nous sommes réunis, frères et sœurs. Nous pouvons dire que nous le servons. Qui dans son cœur croit qu'il sert Dieu, il peut lever sa main. Qui croit qu'il sert Dieu? Maintenant, si vous servez Dieu, dans votre cœur et que vous êtes sincère, Dieu dit qu'il va bénir vos eaux, il va bénir votre pain et il va éloigner la maladie. Éloigner, c'est-à-dire quoi? Si ça, la maladie, si moi je marche avec, frère, venez prendre. Oui, bébé. Kisha wende. Partez. Mukuna ona. Bandu kutuna ona. Jok jeloanye. Mungu aseme mutaomba, mpike mikono, mpike mikono. Yewe. Kama mwe mungu natumikia Mungu. Moni. Benenda nayo. Yata kuya kuibeba kwa mamu kumbi. Anenda nayo. Amen. Mangaribi ya leo. Usiombe kuomba kuomba pana. Kama umutumiki yake Mungu. Leo toka mwika nisa na decision. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Angara malari ne nilikuwa nayo. Mone kule shakue. C'est possible ce soir. Inawezakana jio. Mungu. A éloigné malari ile ilikuwa maisha yako. Amen. Mungu a éloigné magonjwa ile rutembea nayo mashiku yote. Amen. Juu ya nini? Juu na mtumiki yako. Amen. Juu ne kalaka kumbele yake. Pale mengine manakatalaka wewe unafanyaka. Leo Mungu akukumbuki. Usitoki. Umwambie Mungu. Mimi na kutumiki yako. I Bible bile nasema Job ya kweli. Alléluia. Amen. Kama ta uriacha muntu kunyumbe ko malari. Biblia nasema, Jacob, quand il quitte sa famille, pendant qu'on l'envoie chez Laban par sa mère, il arrive en cours de chemin, il a posé la question. Genèse chapitre 29. Il trouve des serviteurs, il dit, est-ce que vous connaissez Laban? Et la deuxième chose, c'est qu'il pose la question, est-il en bonne santé? On lui dit, Laban est en bonne santé. D'ailleurs, sa fille Rachel est là. Banduk, bonne santé. Baneulizaka na inajulika nikaka. Kilo takatala leo ap. Batakuliza. Atumone frère Marcel Mashiku. Eko wapi? Eko wapi? Asema, Mais mimi napenda pendant que batakuliza we kutoka leo mukanisa baseme eko en bonne santé. Amen. Parce que Mungu anabeba malari yako. Amen. Anenda nayo. Amen. Mangaribi ya leo banduku kile kioto ringia nacho, Mungu akibebe ende nacho. Chu ya nini? Wewe unamtumiki yako. Kama babule beko naona matunzo. Kama watu batifata mouvement de masse beko naishi. Alafu wewe ou s'expliquer. Léo, Sheboti, qui la montre na mambo yake, Mungu, bebe, wende nayo. Kama ni baraka, Mungu, weka baraka yako hapo. Bariki mwili yangu, bariki nyumba yangu, tuombe, tuanze kuomba Mungu. Tuanze kuomba Mungu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Vous servirez l'Éternel. Dieu va se charger. Oh, il y a des questions à se poser. Oui, c'était un vendredi de prière. Ce soir, Jinsi maisha yako Mungu akibebe akieloanye na wewe. Il y a des choses avec lesquelles nous avons marché depuis la naissance. Ce soir, que Dieu l'éloigne de ta vie. Il y a des maladies que ta famille a portées depuis nos ancêtres. Ce soir, que Dieu l'éloigne de ta maison. Oui, c'est possible. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Tu as dit. Tu l'as dit, Seigneur. Sur la vie de mon frère, il y a une promesse. Vous me servirez. Voici ce que je vais faire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu peux accorder la grâce. Tu peux accorder la grâce. La grâce de la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est une promesse avec son accomplissement. La bénédiction de Dieu, la guérison de Dieu est réelle. Oh merci Seigneur. Oh merci. Oh merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Tenons-nous debout pendant une minute. J'aimerais que tu pries de tout cœur. Le service de Dieu a des promesses. Dieu n'a pas dit que tu vas le servir malade. Non. Dieu dit que si tu le sers, voici ce qui va arriver. Aujourd'hui, même si tu as laissé un malade chez toi à la maison, même si c'est toi, puisque tu sers Dieu, tu vas implorer la guérison. Tu vas implorer la guérison au nom de Jésus-Christ. Jésus, ce soir, il peut se souvenir de ce que tu fais et il peut te guérir. Élève ta voix, commence à prier, même si c'est dans ta famille, même si c'est quelqu'un que tu as laissé chez toi. Implore cette guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malaria trouve la guérison. Au nom de Jésus. La tension trouve la guérison. Au nom de Jésus. Le diabète trouve guérison. Jésus, touchez-nous fléchis. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous guérir. Oh, ce soir, nous implorons le Dieu de guérison. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Je veux recommander mon frère et ma soeur. Tu nous dis, vous allez me servir. En retour, moi je vais vous bénir. Je vais bénir vos eaux. Je vais bénir votre pain. Et tu nous dis que tu vas éloigner la maladie. Je viens prier pour mon frère et ma soeur. Tout celui qui ne dort pas. Tout celui qui rencontre des maladies répétitives. Il y en a parmi nous qui ont peur de la nuit. Parce que quand la nuit arrive, il est oppressé. Elle est oppressée. Elle tremble. Aujourd'hui, Jéhovah, souviens-toi de cette parole. Quiconque te sert de tout cœur, souviens-toi de cette promesse. Qu'il trouve la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Ce jour-là, Pierre et Jean ont dit, cet homme que vous voyez en pleine santé, c'est à cause du nom de Jésus que vous avez crucifié. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas seulement crucifié, il est aussi ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Jéhovah, il est notre avocat et il parle en notre faveur. Baba na shitu na kulomba. Kama ulitunza mtu wa mumakutano, asikwendake kumisa, asichue maofrande, anakuya na mtoto wake unamutunza. Tu ya nini autatunza? Aba bantu beko apa. Tu ya nini autetika wakuya en bonne santé? Mangalibi ya leo. Tunaombea kila mutu. Aleluya. Ata ule barukwa balesha kumubamba kist. Mangalibi ya leo. Ile kist ipoteye katika jina la Yesu. Leo ile magonjo ilikuwa na ngaisha bantu en quelque lieu, Mungu uitunze katika jina la Yesu. Jina ya Yesu itukuzwe mu maisha ya kila mtu, na kila mtu ashuhudie. Naamini kusema Yesu ni Bwana. Yesu ni Mwokozi. Yesu eko na tunza. Na hii magonjwa tutembea nayo kila siku, leo ipate kuponeshwa au nom de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Mangaribi ya leo, Mungu lunishia furaha kila mtu. Ule utarilemewa. Ule utariangaishiwa. Mimi naikala pa sauti yako. Unasema, même si y a injuste, je sauverai le pays. Je me tiens sur base de cette parole. Où tu nous dis, vous allez me servir. Mungu kama unetona kumecho yako. Kama unamona désiré kumacho yako. Eko na kutumiki mangaribi ya leo. Tunza bagonjwa mu kanisa, tuone ma témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Kama bale ba kutumiki beko naona faveur yako. Alafu bale bana kukimbiri. Alafu bale beko na acha biote jo kukimbia kwako. Kumbe Mungu mangaribi ya leo. Tunasema tu tukuza jina ya Yesu. Mumaisha ya kila mtu. Baminiye kusemu, Yesu, uko yulu ya ba medecin, Yesu, uko yulu ya ba conseiller, Yesu, uko yulu ya bile biote beko naona, Kati na la Jésus Christ. Oh merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.